jamais ça. Ce soir on sort, c'est la guerre. Paris, Seymour, Dubaï, Qatar, c'est la guerre. Chérie, bonsoir. Ce soir on sort, c'est la guerre. Paris, Seymour, Dubaï, Qatar, c'est la guerre. J'ai déjà calé ça. T'inquiète pour tout, j'ai déjà calé ça. Bah ouais, dans la cabeça. J'ai deux trois revêts dans la cabeça. Bah ouais, dans la cabeça. J'ai deux trois revêts dans la cabeça. Bah ouais, oh et la misse. T'inquiète, ce soir on va caler ça. Dans les airs, toute la nuit. J'ai déjà décollé. Business class, j'vais planer. J'ai déjà décollé. Dans les airs, toute la nuit. J'ai déjà décollé. Business class, ouais j'vais planer. J'ai déjà décollé. Aye. Audemars, Alger, Marrakech. Wesh, te bois, bagarre, ça fume de la queche. Wesh, showcase, New York, Madrid, Belabus. Yes, j'suis KO, j'reviens, j'naresse en business. En business, j'naresse en business. En business, on fait du business. C'est une puta de Paname, pas de Punta Cana. Puta veut m'carna, moi j'vais faire carnage. Dans les airs, toute la nuit. J'ai déjà décollé. Business class, j'vais planer. J'ai déjà décollé. Dans les airs, toute la nuit. J'ai déjà décollé. Business class, ouais j'vais planer. J'ai déjà décollé. Aye. J'narresse en business. En business, on fait du business. En business, j'narresse en business. En business, on fait du business.